C'est fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Télévision, un Canadien sur sept a abandonné la câble distribution. Je pense que les six autres gardent seulement le vrai réseau, donc on ne se fiera pas sur leurs avis. Dans le segment Geek CNX, des chercheurs américains développent une batterie fonctionnant au sucre. Moi, en autant que je n'ai pas à sacrifier mon tiroir à bord à chocolat, je devrais être de leur bord. Et dans la geekette en devenir, de quoi auraient l'air les princesses de Disney si elles étaient plutôt princes? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence maintenant! Et voici celui dont la batterie fonctionne de nuit, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Ferrero Rocher. Un peu comme un chocolat a besoin de moi pour déballer ou se déshabiller, j'aurais besoin de quelqu'un à qui parler. Alors j'accueille ma co-animatrice, Marie-Ève Picard. Je pense que tu te prends pour quelqu'un d'autre. Hey, arrête donc, toi. C'est toi, Marie-Ève Picard. C'est pas moi, Mathieu Plante. Moi, c'est Mathieu. Toi, c'est Marie-Ève Picard. Moi, c'est Mathieu Plante. Et c'était ça, ton idée. Mais là, moi, je pensais que j'étais Mathieu Plante. Non, malheureusement. Malheureusement, tu vois que ce serait beaucoup plus tolérable si tu étais Mathieu Plante. T'aurais quelque chose, un petit quelque chose de plus chocolaté. Mais un petit peu moins de noisette, si on veut, dans le Ferrero Rocher. Parce qu'on comprend la blague de noix avec les... Ouais. Ben bravo pour ton intro, Marie-Ève. Je vais reprendre ma place, ça te dérange pas trop. Hein. Attends un peu que je me revoie et que je pense. Ah non, c'est correct. Est-ce que tu veux faire la console? Ça pourrait être pas pire. Hey, ouais. Ben si vous entendez plus rien, demandez-vous pas pourquoi. Exactement. Alors plus tard à l'émission, le segment Geek CNX, c'est la geekette en devenir. Ça, c'est ta chronique, pas la mienne, parce que moi, les princesses de Disney, j'en ai rien à faire. Hey! Ah, excuse-moi. Non, ça m'intéresse à chaque fois que t'en parles. Ouais. À chaque fois. Donc, on va faire tout ça. On va faire dans quelques minutes Television. Mais avant ça, on va écouter un petit peu de musique chiptune. Vous savez, c'est de la musique inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce que je vous propose est une de mes préférées. Vraiment, je l'adore. C'est Save States avec Congrats Your Old Hat. Pourquoi pas? Félicitations, t'es vieux jeu, si on veut. Hein? Si toi, tu pourrais me dire ça parce que tu me trouves vieux comme tout le monde, j'imagine? Ben non, c'est ça, t'es pas vieux. J'ai jamais dit ça, moi. J'étais en trentaine. Ouais, pis je me rapproche de toi, là. C'est vrai? Avoir 29 ans la semaine prochaine. Je pourrais te le dire que t'es vieille. Est-ce que c'est une façon subtile d'insérer ta fête? Oui, c'est jeudi, le 6 février. Comme si je le savais pas. Congrats Your Whole Hat par Save States. J'adore cette chanson-là, je la trouve fantastique. Ouais, quand même, ça fait bonne l'allure. Ah, mais merci. C'est ma sélection. J'ai pas dit que c'est toi qui avais de l'allure, là. J'ai dit la chanson, là. Une chance. Hein? Ouais, on va commencer avec Television, Television. C'est Television, Television et on commence avec un Canadien sur 7 qui pense abandonner la câble distribution. Tu l'as mentionné en tout début d'introduction tantôt et ça nous intrigue tous. Bien sûr, alors dis-moi en plus. Avec plaisir. Un Canadien sur 7 songe ou se dit prêt à abandonner son service de câble distribution afin de se tourner vers des alternatives moins coûteuses d'après un nouveau sondage. L'Observatoire des technologies médias, OTM, a sondé 4009 Canadiens anglophones entre les mois d'octobre et de décembre. Près de 16% des répondants ont dit considérer sérieusement l'option du débranchement. Les personnes âgées entre 34 et 47 ans de la génération X sont les plus susceptibles de se débrancher, suivies par la tranche des 25-33 ans. Environ 42% des gens sondés ont indiqué avoir regardé la télévision en ligne au cours du mois, ce qui représente une progression de 10% par rapport à l'année précédente. La principale raison qui explique cette tendance, selon le sondage, est que le web est plus pratique, évidemment. Depuis 2012, le nombre de personnes qui visionnent du contenu en ligne a presque doublé, avec près de 40% des répondants qui ont dit avoir regardé des émissions ou vidéos sur leur téléphone. Les chercheurs ont également demandé aux répondants leur opinion sur le visionnement en rafale et la moitié d'entre eux ont dit avoir regardé au moins 3 épisodes consécutifs de l'émission au cours de la dernière année. Justement, on est rendu sur Netflix depuis hier soir, en démo. Oui. Quand même qu'il y a beaucoup d'émissions que j'aime. Tu sais, on m'avait dit souvent qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu sur la version canadienne de Netflix. C'est vrai, mais à date, tout ce que j'ai cherché était là. Tout ce qui nous intéressait. Oui, dans les séries télé. Dire. On regarde pas de films, il faut le dire. J'avoue que la sélection de films n'est pas très grosse. Dans les séries télé, j'en ai vu une sur la quinzaine que j'ai cherché. Scrubs n'était pas là. Ouais, c'est malheureux. Mais peut-être un jour, hein? On ne sait-on jamais. Sûrement. Et c'est beaucoup plus pratique de regarder 15 épisodes de fil sur Netflix en appuyant sur un seul bouton que d'aller chercher sur les torrents ou programmer une série sur ta boîte télé et espérer ne pas manquer de place sur le disque. Oui! Ce qu'on fait beaucoup trop souvent. Manquer de place sur le disque. Oui, en effet. Mais bon. Donc, c'est le futur et je crois que juste le fait de pouvoir le regarder sur le portable, sur la télé, des fois avec une boîte connectée à Internet ou même votre télé qui peut aller sur Netflix, lecteur Blu-ray fait ça aussi, ton iPhone, toutes les places ont ton compte dessus et tu peux regarder, recommencer où tu étais rendu dans la série. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de loin supérieur à une machine télévision normale de Bell ou Cogeco ou autre. Ah oui, parce que tu peux continuer quand tu veux, là. C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est... Et pour seulement quelques dollars par mois. Environ 8 dollars. Environ. Ensuite, les téléspectateurs, les gens qui regardent la télé n'aiment pas faire plusieurs choses en même temps, nous apprend-on. C'est de plus en plus populaire de... Ben oui, c'est bizarre. Tu sais, on voit sur les chaînes télé, les grands réseaux américains, il y a tout un petit hashtag qui apparaît dans le coin de l'écran. Je crois que c'est de même à la télé québécoise aussi de ces temps-ci. Tweetez-nous à TVA Nouvelle. Colin, les jeunes n'aiment pas ça faire ça, apparemment. Selon une nouvelle étude de TiVo qui nous apprend. En fait, ils ont demandé à 1660 personnes. Ça révèle que 76% des gens préfèrent quand leur focus dans leur activité principale est de regarder la télé et seulement de faire ça. Donc, si les gens font plusieurs choses en même temps, ce qui est plutôt rare, ils disent qu'ils vont aller surfer sur Internet, peut-être trouver une information sur un acteur, faire de la cuisine ou chatter en ligne. Et quand on parle d'aller chercher une information sur une émission de télé, 46% des gens disent qu'ils vont attendre que l'émission soit terminée. Ah. Donc, je sais pas pourquoi c'est la grosse mode de mettre des hashtags partout, mais les gens s'en servent plus ou moins, tu sais. Alors que toi, tu fais pause, tu vas vérifier, tu cherches. Après ça, on a la réponse et ensuite, on continue. Mais la télé de moins en moins en temps réel. On s'entend que c'est tout le temps sur pause, donc au moins à 15 minutes dans le passé, à peu près. Exact. Dans mon cas, c'est souvent ce que je fais. Ben, ça me surprend, ça, parce que, ben, en tout cas, peut-être moi de mon bord, là, parce que moi, ça ne me dérange pas de souvent, tu me fais la remarque, lâche ton téléphone pendant qu'on regarde la télé. Parce que tu manques des jokes visuels. Là. Ouais, ça peut arriver, mais je sais pas... Ça ne dérange pas, moi, de faire deux choses en même temps. Ben, c'est sûrement parce que tu es une fille, tu me diras. Ah, peut-être. Ah, ben oui, gars. Mais tu plantes parce que je suis une fille, là. Et voilà, ça explique tout. Mais non, c'est ça. Les gens peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais la plupart des gens préfèrent faire une seule chose à la fois, c'est-à-dire regarder la télé. Et moi, c'est mon avis là-dessus. Maintenant, la foire au malheur en série télé. Tu te rappelles du film avec Tom Hanks? Oui. Donc NBC transforme une vieille comédie en série. La chaîne américaine a commandé le pilote de Money Pit, comédie déclinée du film La Foire au Malheur. Tom Hanks est apparu en 1986 dans la comédie de Richard Benjamin. Le film raconte l'emménagement d'un jeune couple dans une maison apparemment en bon état. Une fois installé à l'intérieur, Walter et Anna se rendent compte stupéfaits de l'envergure des travaux à réaliser. La comédie est déjà le remake d'un long métrage qui s'appelait Mr. Blandings Builds His Dream House, sorti en 1948 avec Cary Grant. Amblin Television, société de production créée par Steven Spielberg, participera à l'élaboration du pilote, dont l'écriture a été confiée à Justin Spitzer, qui est l'ancien scénariste de The Office version américaine. Ah! Oh. Quand même! On sait que, je pense qu'on connaît notre opinion sur les remakes des vieilles affaires, que c'est pas génial et ça dure rarement longtemps. Ouais. Mais bon, un autre coup... On verra bien. Le principe est bon, je veux dire. Mm-hmm. C'est, le principe de base est toujours là, mais l'adaptation est rarement très, très fidèle. Ouais. En fait. On verra. Ouais. Ben, parlant de remake et de bonnes nouvelles dans le sens que Colin, ça n'aura pas lieu, on avait parlé de Elle écrit au meurtre qu'elle est revenir à la télé. Oui. Qui en France s'appelle Arabesque, sinon c'est Murder She Wrote, version américaine. La chaîne américaine NBC a mis entre parenthèses son projet de série censé moderniser Arabesque, un des plus grands succès télé des années 80 et 90. Commandé à l'automne, la relance de l'écrit au meurtre ne verra Colin, finalement pas le jour. Selon le site Deadline.com, NBC aurait finalement souhaité ne pas toucher à la série culte portée par Angela Lansbury. La comédienne anglaise avait incarné pendant 12 ans, entre 84 et 96, une professeure d'anglais à la retraite devenue une experte dans la résolution de meurtres. NBC ne s'avoue pas encore vaincu, toutefois. Ses cadres créatifs envisageraient de tester d'autres approches pour capitaliser sur le succès de l'écrit au meurtre, sans trahir pour autant l'œuvre originale. Le plan initial plaçait Octavia Spencer dans la peau d'une nouvelle Jessica Fletcher. Le personnage était devenu une directrice d'hôpital qui planche sur son premier polar, tout en offrant son aide précieuse à la police de lors d'affaires criminelles. Donc encore une affaire de... C'est une femme qui résout des meurtres, donc on appelle ça pareil comme la série d'origine, mais ça a presque aucun lien. C'était ce qu'il voulait faire avec ça. On appelle ça l'écrit au meurtre, ça n'a rien à voir, mais bon. C'est rendu là, Hollywood, avec les séries télé. Maintenant, parlant de remake encore une fois, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus originale, c'est la série Psych, P-S-Y-C-H, Psych, qui refabrique un épisode de la saison 1 au complet pour aucune raison du tout. OK. Parce qu'ils sont drôles, tu sais. OK. Donc, des remakes de films, de télévision, ils trouvent ça un petit peu trop cliché. Donc, à la place, on refait un épisode de la saison 1, mais rendu dans, je crois que c'est la saison 8, si je me rappelle bien. Mais bref, je trouve ça vraiment cool. C'était un épisode tout à fait standard de la saison 1 qui s'appelait Cloudy with a Chance of Murder, qui s'appelait maintenant Cloudy with a Chance of Improvement. L'épisode commence avec Sean et Gus qui parlent justement du fait qu'ils détestent les remakes. Oh. L'épisode est rempli d'invités du passé, comme Lindsay Sloan, Alan Rock et Kurt Fuller, donc il est maintenant rendu un régulier dans cette émission-là, qui est rendu un personnage récurrent. Et l'épisode se passe en 2006, comme dans le temps où il était seulement un artiste invité. L'épisode était rempli d'œufs de Pâques, comme on appelle, donc de Easter eggs, des petits gags pour les gens qui regardent beaucoup l'émission. C'est comme un hommage aux téléspectateurs de l'émission. Ah. Donc ils se sont dit, améliorons-nous, faisons un meilleur épisode avec le même script qu'on avait. Oh my God. Je trouve l'idée fantastique. C'est ça, ils sont rendus à la saison 8, exactement. Donc, j'avoue que c'est drôle quand même. Très, très bon. Bill Cosby travaille sur un nouveau projet télé. Encore une fois, c'est NBC qui sont un petit peu dans les toilettes, en fait, NBC depuis quelques années. Donc, ça ne nous surprend pas d'avoir beaucoup de projets de leur part, alors que CBS fait juste dire, ben, tu sais, on n'a pas tellement de nouveaux projets parce que tout ce qu'on a, pogne. Ouais, bon. C'est ça. Donc, la chaîne NBC ou le réseau a confirmé que Bill Cosby travaille sur un projet de comédie télévisée qui le mettrait en vedette. Une entente a été conclue permettant au comédien de 76 ans de créer, avec une équipe d'auteurs, le scénario d'une comédie dans laquelle il tiendra le rôle d'un patriarche d'une famille multigénérationnelle. Un porte-parole de NBC a précisé que l'entente ne signifie pas qu'une série complète sera commandée, ni même qu'un pilote sera produit, mais avec un nom comme celui-là, on peut s'attendre à quelque chose quand même avec un certain gage de qualité. Le plus grand triomphe télévisuel de Cosby a été diffusé sur les ondes de NBC il y a 3 décennies. Lorsque le Cosby Show a pris l'antenne en septembre 84, la série a été diffusée pendant 8 saisons. Une autre comédie, Cosby, a été diffusée pendant 4 saisons à compter de 96 sur les ondes de CBS, mais elle a connu moins de succès. Même que c'était pas tellement bon, Cosby, la deuxième version. Maintenant, on a parlé il y a quelques semaines de Utopia, une nouvelle série de télé-réalité par le créateur de Big Brother. Tu te souviens? Oui, certain. Ça fait pas si longtemps que ça, donc on s'en souvient encore. Oui. Eh bien, ça s'en vient aux États-Unis. Évidemment, ça a commencé en Europe. Tout ce qui commence en Europe finit par se rendre aux États-Unis. Donc, la plus récente émission de télé-réalité sera sur Fox. Une expérience sociale dans la même veine que les Big Brother, mais à leur tout début. À l'émission, on va envoyer 15 personnes ordinaires dans un endroit complètement isolé, hors de tout développement aux États-Unis. et ils vont devoir créer leur propre civilisation à partir de rien du tout. L'émission devrait suivre les participants pendant une année complète alors qu'ils forment leur propre société. Et on ne sait pas encore la durée de la série, on ne sait pas quand, en quel format ça va être, est-ce que ça va être une heure par semaine ou quoi. Donc, John DeMol, qui est le producteur et le créateur, dit que Utopia sera très, très différent de Big Brother, surtout parce que les participants vont avoir beaucoup de liberté, mais ils vont être quand même limités dans leurs besoins de tous les jours, comme la nourriture ou même leur toit, donc l'endroit où ils habitent. On dit que Utopia va être une version positive qui va donner aux gens l'opportunité de recommencer depuis le début et créer leurs propres lois, faire leurs propres décisions, se construire vraiment une société. Utopia va être nouveau, évidemment, aux États-Unis, mais l'émission a déjà un succès aux Pays-Bas. C'est l'endroit où John DeMol travaille sur ses émissions. Ça a commencé en Hollande sur SBS6 et c'est l'émission de télé-réalité la plus populaire depuis 6 ans sur cette chaîne-là. Écrime, ça fait quand même longtemps. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça s'en vient aux États-Unis bientôt. On ne sait pas encore la date. On ne sait pas si ça va commencer peut-être à l'automne prochain, peut-être une émission estivale. Des fois, on sait que les télé-réalités ont tendance à être lancées l'été à la Survivor, Big Brother, etc. Ouais. Donc je sais pas. On va évidemment suivre ça. C'est sûr, que j'embarque dans celle-là. Sûr. Mais ça va être quand même long, par exemple, parce que s'ils les suivent pendant un an... C'est ça. Est-ce qu'ils vont... peut-être enregistrer à l'avance? Ouais, sûrement, ça c'est sûr, mais... Je sais pas. Ils vont couper plein de bouts, là. Ça me surprendrait que ce soit vraiment en ondes à la télé à l'année longue. Ouais, c'est ça. Parce que ça prendrait quasiment à ça, mais... Moi, je dirais, commence à filmer beaucoup à l'avance, puis une fois que t'as commencé, là, celui-là, tu pars, puis là, t'arrives à un moment donné, comme à la télé, là, tu rattrapes le direct, là, finalement. Et ça parle pas non plus du prix en argent. C'est non, puis je me demandais aussi, est-ce que à chaque semaine, ils vont quand même... est-ce que la gang va devoir, mettons, éliminer quelqu'un qu'ils veulent pas dans leur civilisation? J'ai lu un peu là-dessus. Ils vont se débarrasser des joueurs les moins performants dans l'émission. Et je crois que c'est les joueurs eux-mêmes qui vont s'éliminer entre eux autres. Mais ils vont tout le temps être remplacés par quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai lu dans un autre article. Là, j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, mais il va tout le temps y avoir le même nombre de gens. C'est ce que j'en comprends. Ouais, parce qu'ils veulent bâtir une civilisation. C'était rendu tout seul à la fin. C'est ça. Ça va pas tant bien. Hein? Me déclare le maire. Oui, voilà, bravo. Ben, je suis bon. Maintenant, Sharon Stone va jouer la vice-présidente américaine. Sharon Stone décroche pour la première fois de sa carrière le rôle principal d'une série télévisée. Elle va jouer dans Agent X, un projet politique développé par la chaîne TNT. L'actrice se glissera dans la peau de Natalie McCabe, veuve qui décide d'entrer en politique après la mort de son mari sénateur. Elle devient rapidement la première femme vice-présidente des États-Unis et découvre par la même occasion que son nouveau poste implique une mission secrète qui est de protéger la Constitution en période de crise majeure. Elle sera alors aidée par son chef de cabinet, mais aussi par un mystérieux agent X. Ooh. La série va être rédigée par William Blake Herron, scénariste connu au grand écran pour avoir signé La mémoire dans la peau. Sharon Stone s'était contentée d'apparitions surprises ou d'apparitions spéciales dans des séries comme son arc de 4 épisodes dans La loi et l'ordre crime sexuel en 2010. On n'a pas vu beaucoup à la télé. Et pour terminer, Colin Jost va remplacer Seth Meyers au bureau de Weekend Update à l'émission Saturday Night Live à partir du mois de mars. Donc, ça va continuer dans la tradition de prendre le head writer, donc le scripteur en chef de Weekend Update, qui est le bulletin de nouvelles en plein milieu de cette émission de variété. Colin Jost va prendre la place de Seth Meyers alors que Meyers va quitter pour prendre les rênes de Late Night. Oui. L'émission de fin, milieu de fin de soirée. Ça s'en vient, C'est en février, ça s'en vient très bientôt. Donc, Jost a rejoint Saturday Night Live en tant que son plus jeune scripteur en 2005. Et c'est lui qui va prendre la place à partir du 1er mars. Il va co-animer avec Cecily Strong, qui a commencé au bureau de Weekend Update cette saison-ci. Donc, elle est toute nouvelle. Oui. C'est ce qui me surprend. Moi, je pensais qu'elle allait prendre quelqu'un de la distribution. J'allais dire original, là, mais... Ben, en cours. Pas de temps. Ouais, en cours plus, ouais, c'est ça. Parce que là, ils veulent faire de Cecily Strong l'animatrice principale qui va être comme là pour coacher ou pour montrer comment faire à Colin Jost. Mais là, Colin Jost est là depuis plus longtemps qu'elle, t'sais. Ouais. C'est ça, mais bon. C'est quand même... c'est drôle. C'est spécial. Donc, Colin Jost, qui est un stand-up, un humoriste qui fait évidemment du stand-up, il a performé, entre autres, au Festival Juste pour rire à Montréal en 2010. On l'a vu depuis à Late Night with Jimmy Fallon. Et puis, c'est ça, ça dit qu'il arrive après avoir gradué de Harvard. On va suivre Colin Jost. Sur Twitter, c'est The Colin Jost. Et le dernier épisode de Seth Meyers, en passant, va être le 1er février avec Melissa McCarthy comme animatrice pour la troisième fois. Donc, Seth Meyers finit le 1er février. Et puis après ça, le 1er mars, Colin Jost arrive. Entre les deux, c'est les Olympiques. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment d'émission de SNL. Ouais, c'est ça, il va y avoir des reprises. Ouais. Je crois. Mais les jeunes filles, quand même, Colin Jost... Beau bonhomme, c'est ça? Paulette? Je sais pas, c'est pour ça qu'il en prie, mais en tout cas... Ouais, en tout cas. C'est le head writer, donc c'est le gars qui fait que Weekend Update est drôle, t'sais. Entre autres. Ouais. Voilà pour Television Television, c'est tout. On revient tantôt avec le bulletin Geek CNX, dans le sens qu'on revient avec une autre chronique, on part pas, là. On s'en va écouter du chiptune. Ah ouais, c'est ça. Faudrait pas s'en aller pendant le chiptune, c'est la meilleure chose dans l'émission. Après la geekette en devenir, évidemment. Ouais, ouais. je me suis surpris rapidement quand même. Oui, c'est beau. Alors, on s'en va entendre un de mes préférés, encore une fois, je le dis tout le temps, là, fait que fiez-vous pas là-dessus, mais à chaque fois qu'on fait jouer du Laffy de Fox, je capote. Dans ce cas-ci, c'est Laffy de Fox featuring Lucas Erickson. Voici Sunshine Basement. MPS, le Mathieu Plancho. Sur ses pieds. Chante pas par-dessus. Non. Featuring Lucas Erickson. La pièce s'appelle Sunshine Basement. Évidemment, toutes les pièces de Chiptune, les liens sont sur assemblagerequis.com. Eh oui. Bah oui, bah oui. Et c'est là aussi que vous allez trouver les liens pour CNX. C'est le bulletin Geek CNX où on parle de choses technologiques, mais surtout des nouvelles du futur, Marie-Ève. Ah oui. On plonge dans le futur. Alors là, ploup. Une équipe de chercheurs de Virginia Tech a trouvé un moyen de faire fonctionner une batterie grâce à une solution à base de sucre. C'est pas le premier essai de ce type-là, mais celui-ci pourrait s'avérer concluant et viable dans les prochaines années. L'équipe de chercheurs a trouvé le moyen de synthétiser 13 enzymes qui, combinées à une solution de maltodextrine, qui est un mélange de sucre, produisent un courant. Le résultat donne une pile à combustible capable de stocker jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une pile au lithium. Selon ses créateurs, un tel dispositif pourrait être utilisable dans les appareils alimentés par une batterie d'ici 3 ans. C'est pas la première première fois que l'usage du sucre au sein d'une batterie est mis en valeur par les chercheurs, mais le procédé s'est affiné et apparaît comme étant plus efficace. La batterie développée à Virginia Tech pourrait être rechargée à l'aide d'une solution de maltodextrine et serait très écologique et très économique à produire en raison notamment de l'absence de lithium pour la faire fonctionner. Néanmoins, des limites persistent encore, notamment en concernant la durée de vie d'un tel système qui a tendance à rapidement perdre ses capacités. Les chercheurs estiment pouvoir faire tomber les limites dans les 3 prochaines années à venir. Vraiment impressionnant. Oui. Je me demande qui a tombé là-dessus pour avoir cette idée-là, mais tant mieux. C'est ça l'invention, hein? C'est la science! La science, là, ça te tombe dessus de même! Et voilà. Maintenant, Google brevette un moyen d'offrir un trajet gratuit vers un lieu défini par la publicité. Proposer à prix réduit, même gratuitement, un trajet d'un potentiel client vers un magasin. C'est le principe que vient de breveter Google. Google a fait enregistrer auprès de l'organisme américain chargé des brevets une méthode permettant de combiner le transport de personnes avec à partir d'une publicité ciblée. Il s'agit de proposer un service de transport pour une ou plusieurs personnes. Toutefois, le client décide pas de la destination, mais est conduit dans un magasin. Celui dont la publicité est affichée sur son téléphone ou sa tablette. La course peut aussi être gratuite ou proposée à un tarif réduit. Donc, tu aurais une publicité dans ton courriel qui dirait « Colin, achète telle affaire dans tel magasin. » Et là, tu dis « Ah, je veux une voiture qui va m'amener là-bas. » Oui. La voiture vient te chercher, tu arrives au magasin, tu l'achètes, tout le monde gagne, le commerce fait de l'argent, wow. Google fait de l'argent. C'est cool. Wow. Même pas ton gaz. Non, c'est ça. Ça pourrait être gratuit ou à un petit prix, mais ouais. S'ils veulent justement que ce soit compétitif par rapport à Amazon, ouais. C'est gratuit. Oui, c'est clair. Dire. Wow. Donc, l'idée peut séduire les vendeurs puisqu'ils sont au moins certains que ceux qui accepteront l'offre se rendront dans leur magasin au lieu de l'acheter en ligne. Puis en plus, c'est que tu n'as pas à attendre la livraison. Donc. Ben non, c'est ça. Fait que si tu vois une annonce de chip... Oui, amène-moi au dépanneur du coin. Amène-moi au dépanneur. Google utilise un algorithme permettant de calculer le coût du déplacement en fonction de plusieurs paramètres. Il prend ainsi compte de la localisation du client, la distance du magasin ou encore le profit potentiel pouvant être réalisé. Il faut que ce soit rentable pour tout le monde. Exactement. Ouais. Couplé à une offre de voiture sans conducteur, soumise à un trajet défini. Tu sais, Google travaille sur des voitures qui se conduisent tout seul. Oui, ouais. L'idée est encore plus impressionnante. Tu aurais une voiture qui viendrait, pas de conducteur, tu veux juste embarquer, tu sais. Elle t'amène. C'est cool. Oh my God. L'initiative semble également très pertinente pour certains types d'offres, comme dans la restauration, par exemple. Au lieu de te faire livrer du restaurant, tu vas au restaurant, tu le ramènes chez toi. Oui. C'est encore plus chaud. Aïe, c'est hot, là. Pour vrai, c'est fantastique. Oh my God. Maintenant, on parle d'une imprimante 3D couleur gérant 3 matières. Stratasys, l'un des leaders mondiaux de l'impression 3D à destination des professionnels, annonce une imprimante couleur utilisant 3 matières différentes. L'Object 500 Connex 3, hein, petit nom bien accrocheur comme toujours, constitue en effet une évolution marquante en matière d'impression 3D, puisque c'est le premier modèle à imprimer en couleur. Mieux, il est possible d'utiliser 3 matériaux différents sur ce modèle afin de créer des objets plus complexes. Pour colorer les matières premières utilisées dans l'imprimante, elle va utiliser un très classique jet d'encre. Stratasys affirme pouvoir concevoir des objets arborant jusqu'à 46 couleurs différentes. L'imprimante peut également gérer l'opacité de la couleur déposée, donc la transparence. Ce modèle est également capable d'assembler 6 matériaux au traditionnel plastique afin de créer des pièces offrant un degré de rigidité et d'opacité différent. Évidemment, destiné au monde professionnel, ce modèle est d'ores et déjà commercialisé au tarif conséquent de 330 000 $. Donc, différentes sortes de plastique, peut-être de l'acier, des trucs comme ça. Tout ça mélangé ensemble pour faire une impression en 3D, une sculpture ou un objet quelconque, une invention que vous pourriez avoir. Vous pourriez vous payer cette imprimante-là et faire ça chez vous. Ah, c'est fou, hein, quand même. OK. Tu sais, quand on était jeunes, on se disait « Ah, ces affaires-là, ça va être en 2500 000! » Mais non! C'est là! C'est maintenant! Pour la modique somme de 300 quelques mille dollars. Non, mais quand même, là, c'est quelque chose. Imagine, ce qui est encore plus quelque chose, c'est un soutien-gorge qui s'ouvre tout seul en cas d'amour. Oh, est-ce que t'as lu ça? Non. Parle-moi-en. Véritable amour. Ici, c'est le cas. Le soutien-gorge True Love Tester de la firme japonaise Ravijour clignote et se décroche tout seul. Ben voyons donc. Ben oui. C'est n'importe quoi. Ce sous-vêtement intelligent est bardé de capteurs pour analyser le rythme cardiaque de la femme qu'il porte afin d'en déduire son état d'excitation et déverrouiller le fermoir situé entre les seins. Oh, mais là, de base, ça marche juste pour la fille. Ça veut pas dire que le gars est en amour avec elle, par non, exemple. Non, si la femme a des sentiments véridiques. Pour le gars. En apparence, l'objet est très romantique, mais dans la réalité, il est surtout technologique. Le signal recueilli par les capteurs est en effet adressé à un téléphone portable par la technologie Bluetooth pour analyse comparative des battements de cœur et déduction via une application spéciale. En cas de courbe correspondant à celle du désir amoureux, le fermoir clignote et s'ouvre. La marque de lingerie a imaginé ce soutien-gorge pour célébrer son 10e anniversaire. C'est une pure opération de communication et de marketing. Le sous-vêtement ne sera pas vendu, mais quand même. Oh! Intrigante idée, mais pour vrai, il faut renverser ça. Il faut que le gars puisse avoir son mot à dire là-dessus aussi. Là. Ben oui, aussi. Uh-huh. Là, tu sais, c'est pas parce que la fille, elle aime que le gars va l'aimer. Là. C'est du travail d'équipe, ça, man. Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Un plus un égale deux. Des faits comme ça, on en a à attendre. Ben oui. Envoyer des SMS sur son téléphone portable en marchant altère la posture et l'équilibre du corps, toi. Oh, arrête donc. Il fallait une étude australienne pour nous le dire. Ah ben, Colin. Les SMS sont un moyen de communication très populaire, mais on en sait peu sur son impact psychologique. Une étude menée avec 26 personnes en Australie qui nous prouve tout ça. Pour cette recherche, chacun des participants marchait à un rythme normal en ligne droite sur une distance de 8,5 mètres. Certains n'utilisaient pas leur portable et d'autres marchaient en lisant un SMS et un troisième groupe tapait un texto tout en marchant. Donc, lire un SMS, écrire des textos et juste rien faire. Sauf marcher. Les mouvements du corps ont été capturés et mesurés à l'aide d'un système vidéo d'analyse des mouvements en trois dimensions. Les chercheurs ont constaté que taper et envoyer un SMS en marchant et dans une moindre mesure lire sur son téléphone modifiait les mouvements du corps. Les participants qui envoyaient des SMS marchaient plus lentement, déviaient leur trajectoire en ligne droite et bougeaient davantage leur tête que ceux qui lisaient un texto ou n'utilisaient pas leur téléphone. Bien que les mouvements des bras et de la tête étaient coordonnés avec le tronc pour assurer la stabilité de la main tenant le téléphone et faciliter la lecture ou l'envoi d'un texto, la tête bougeait beaucoup plus que ce qui, affectait le système d'équilibre. De plus, envoyer ces SMS en marchant accroît le risque de collision avec d'autres piétons ou des obstacles, ainsi que le danger de traverser la chaussée. Cette étude paraît dans la revue scientifique américaine Plus One. Je pense qu'on n'est pas vraiment surpris de voir que... Ben non, il aurait pu me le demander, puis je leur aurais répondu. Ça aurait rien coûté, une personne fiable. Ben oui. C'est voilà. Ben c'est pour ça aussi qu'ils ont sorti la app transparente. Là, oui, que tu peux voir avec ta caméra. Ben oui. En effet. Je comprends pas comment ça fait que tout le monde l'utilise pas. Ça. Ouais, c'est ça. Festival de musique allemand a invité les utilisateurs de Twitter à composer des morceaux qui seront arrangés pour un orchestre symphonique et joués au mois de mars. Le festival Kurt Weill de la ville de Dessau a demandé de créer une tweet-phony, c'est-à-dire une série de mélodies composées par des mélomanes et compositeurs en herbe du monde entier, transmises par Twitter. Les airs, chacun d'entre eux limités aux 140 caractères imposés par Twitter, seront sélectionnés et arrangés pour être joués par un orchestre symphonique. On sait qu'en Allemagne et pas mal partout ailleurs, là, c'est pas Do-Ré-Mi, mais bien ABC, donc on peut poster des lettres qui équivalent aux notes. Ces airs seront joués le 3 mars par l'orchestre philharmonique de Dessau, sous la baguette du chef d'orchestre néerlandais Anthony Hermius. Les Twitter compositeurs pourront soumettre leur mélodie par le biais d'un site web spécialement créé pour l'occasion qui est encore une fois disponible maintenant, tweetfony.de, tweetfony.de. Le spectacle va également être streamé, retransmis sur Internet. Le festival de Kurt Weill dédié au compositeur allemand du même nom a lieu du 22 février au 9 mars. Étrange comme idée, mais bon, tu vas sur Twitter, tu tapes à peine n'importe quelle lettre, là, ABCDFG, puis ça te fait une belle petite chanson à la fin. Pas sûr ce que ça va donner, moi. Tout le monde s'entendra pas, là. Mais non, c'est ça. Il y en a un qui joue de la grosse musique super intense, l'autre joue de la musique super calme, mais en même temps, c'est les notes qui importent, donc ils vont pouvoir jouer ça même au niveau qu'ils veulent. Bon. Bref. On va y aller avec quelques petits derniers. Tiens, je le lis pas, je vous le laisse sur assemblagerequis.com parce que sérieusement, je m'en fous, mais Facebook pourrait perdre 80% de ses utilisateurs selon une étude d'ici 2017. Ah oui? Il y a plein de renseignements là-dessus puis ça me tente pour en parler. Non, mais pourquoi? À cause que les gens, ils vont de moins en moins... C'est de moins en moins à la mode. C'est trop publicitaire et... Ben non, c'est pas mal ça, en fait, que ça dit. Là. T'as pas mal mis le doigt sur le bobo. Là. Mm-hmm. Mais donc, Facebook aurait atteint son sommet en 2012 et allait connaître un déclin rapide, nous disent deux étudiants. Ils ont appliqué un modèle épidémiologique modifié pour décrire la dynamique des utilisateurs des réseaux sociaux, un peu en se basant sur MySpace. Donc, MySpace a eu un sommet, ensuite descendu. Ils ont calqué ça sur Facebook, ça va faire la même chose. Bon. Je pense qu'on s'attend tous à ça. Par contre, ce dont je voulais parler, c'est d'Amazon qui va travailler, en fait, qui travaille maintenant à la conception d'une console de jeux vidéo. Aurons-nous droit à un autre nouveau joueur dans l'industrie du jeu vidéo? Une rumeur nous fait croire que oui. Rumeur qui circule à l'effet que le géant du commerce électronique travaillerait à l'élaboration de sa propre console de jeu. Il s'agirait d'une vieille rumeur qui a d'abord émergé l'été dernier. La console d'Amazon serait propulsée par Android, un peu comme la console Ouya. Des éditeurs de jeux familiers avec le dossier ont confié au blog VG247 avoir rencontré Amazon afin d'en connaître davantage sur le matériel. Le prototype qui rappelle le look de la PlayStation 1 aurait démontré être capable de rouler une série de jeux Android et iOS populaires. Lab 126, la filiale d'Amazon ayant travaillé sur le design de la gamme Kindle serait responsable de la conception de la console et on rapporte qu'Amazon ciblerait un prix inférieur à 300$. La console serait conçue pour être au cœur du salon afin de compléter la gamme de services déjà offerte par Amazon, entre autres la location et l'achat d'émissions de télé et de films de Amazon Store. Je me rappelle même plus du nom. En tout cas, bref. Ça pourrait être cool. Ça pourrait ne pas être cool, mais c'est Android, donc quand même, ça a du potentiel. Mais on verra bien. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ouais. Moi aussi. Je sais même pas si... déjà, pour commencer, ce serait le fun si Amazon, leur service de vidéo sur demande, était disponible au Canada, premièrement, parce que ce l'est pas. Pour l'instant, faut absolument être aux États-Unis ou utiliser des petits hacks pour réussir à voir les émissions de ce truc-là. Et pour terminer, Sly Cooper, le raton laveur cambrioleur de la série de jeux vidéo, va devenir une vedette du grand écran après avoir squatté votre télévision. Ce film d'animation est une comédie basée sur le cambriolage dans laquelle nous retrouverons Sly Cooper, Bentley Turtle et Murray l'hippopotame. L'hippopotame, nos trois gaillards vont devoir rassembler les morceaux d'un livre ancien contenant les secrets du clan Cooper. Mais quelqu'un d'autre est à sa recherche, un dénommé Clockwork, une chouette métallique qui s'est fixée pour but d'exterminer la famille Cooper. Le film Sly Cooper devrait sortir dans un cinéma près de chez vous en 2016 et vous pouvez voir la première bande-annonce sur assemblagerequis.com. Moi, je trouve cette série de jeux vidéo-là absolument géniale. C'est bien fait, c'est drôle, c'est un jeu de plateforme, donc tu ramasses des affaires, tu collectionnes des trucs. Évidemment, le film, tu collectionneras rien parce que c'est un film, mais avec les personnages qui sont tellement drôles et bien écrits, ça pourrait donner quelque chose d'assez bon. Voilà pour le bulletin Geek Cynix. On prend la petite pause du milieu d'émission, on revient après ça avec la deuxième partie de Cynix. On a aussi la Geekator de venir à venir. Oui! La guerre de venir à venir. À venir! Pas pire, hein? Mais pour l'instant, d'autres choses. Puis vous écoutez Mathieu Plante Show. C'est vous, genre. Ça résume pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. Tu trouves. Il me semble que j'en mets trop, hein? C'était pas nécessaire. Des fois, oui. J'ai envie de te dire, Mathieu, calme-toi, là. Puis appuie sur le bouton qui fait jouer une musique. Ouais, c'est ça. Ça commence à être en cours. Toujours Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Évidemment, Marie-Ève Picard est toujours ma co-animatrice. Eh oui, toujours. Et elle le fait tellement bien. Oh, merci. Attends. Ça peut être meublé. Comment? Rien. Tu parles tellement aigu, je t'entends pas. Il y a que des chiens qui t'entendent. Ah, ben non. OK. Donc, tantôt, on parlait de Nouvelle Geek dans le bloc CNX. Ben, la deuxième partie du bloc CNX existe, elle aussi. On la fait pas tout le temps, mais là, ça donne que ça me tente de la faire. Donc, voici Wow, What Web. C'est Wow What Web, on fait un petit survol rapide d'Internet et vraiment, je vous ai gardé que le meilleur cette fois-ci. Pour commencer, on va commencer avec des dessins en fait de Mario. Évidemment, Mario, des frères Mario, les célèbres plombiers italiens. Mais cette fois-ci, on les imagine dans des jeux de combat, des jeux de fighting games. C'est un super artiste sur DeviantArt qui s'appelle Sebastian Von Buchwald qui a créé cette série-là de dessins. C'est vraiment très, très, très beau. Donc, il lâche Mario dans un paquet de jeux, que ce soit, je sais pas, là, j'ai vu Crash Bandicoot tantôt. Il y en a beaucoup que je reconnais pas, là. Je vois Dragon Ball ici. Connais pas. Sûrement Street Fighter. T'sais, si je dis des jeux au hasard un peu, je devrais sûrement tomber dessus. Là. Mais quand même. Et c'est fait tout ça de manière très très violente. Donc on voit Mario avec du sang en face. T'sais, c'est vraiment, il est dans un jeu de combat. Là. Il y a même l'espèce de petit renard bizarre dans une série de jeux que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, puis que là maintenant je me rappelle pas du nom. Final Fantasy, il est là. Donc il y en a un paquet. Ça a l'air viril. Le gars, c'est un plombier, mais il sait se battre. Puis il sait se faire battre aussi. C'est cool. C'est quelque chose, hein? C'est bizarre un peu. Ouais. Mais ça fait des beaux fonds d'écran. Ensuite, la maison des Simpsons en Lego. Tu te rappelles, on avait parlé de ça il y a quelques semaines. Je crois que c'était ici, sinon ailleurs, on s'en fout. Mais la maison des Simpsons en Lego. Quelqu'un qui a décidé de vraiment tout construire. La maison complète, parce qu'elle est vraiment énorme. Il y a comme 2532 morceaux de Lego. Il a fait une vidéo de 18 minutes vous montrant de façon très, très détaillée comment il a montré sa maison. Wow! Montré sa maison. Coudon, je dis n'importe quoi. Donc, en timelapse, version plus courte et version plus longue. La version courte dure environ 6 minutes. C'est vraiment impressionnant de voir quelqu'un bâtir cette maison-là en Lego à partir de rien pantoute. C'est impressionnant. C'est le fun. Maintenant, un nouveau service en ligne qui s'appelle Greeting Games qui vous permet d'attacher un mini-jeu à une carte de souhait. Tu sais, tu envoies une carte de bonne fête, mais dedans, il y a une application qui te demande de battre un jeu, de réussir à finir le jeu pour avoir la carte. Ah, oh, c'est vraiment drôle! La personne doit vraiment battre le tableau. Oh! Donc, évidemment, les mini-jeux sont tous les usual suspects. Tu as un jeu où tu dois matcher trois affaires ensemble, comme tous les jeux. Mm-hmm. Tu as un sudoku. T'as mot caché. T'as un Mahjong. Et t'as même un clone de Fruit Ninja. Mais tout ça modifié pour ressembler à d'autres choses. C'est comme juste d'inspiration de ces jeux-là. Les jeux sont jouables encore et encore. Donc, sur n'importe quel appareil mobile, dont les tablettes et les téléphones cellulaires. C'est quand même une bonne idée. Ça s'appelle Greeting Games. Puis si tu l'as pas, si tu le bats pas, t'as pas le message? T'as pas les souhaits, mais en même temps, Colin, tu cours après. Là, faut que tu réussisses. Là, force-toi. Ben non, mais là, ça se peut arriver. Quelqu'un qui est pas bon comme moi, mettons. Ah, toi, c'est un tableau d'Angry Birds qui te rend encore... Ah, ouais. Fâche encore. Ah, ouais. Ah, le lien ne fonctionne plus pour le prochain, mais je veux vous en parler. Vous irez le chercher ailleurs. Là. Mais c'était... j'ai pas les détails non plus, mais c'était vraiment chaque écran d'ouverture. Tu sais, les press start de chaque jeu sur la NES. Nintendo originale. OK. J'ai pas l'information sur combien de centaines ou de milliers de jeux qu'il y a, mais le montage était super, super long et ça montre seulement les écrans press start de chaque jeu de NES. C'est quand même assez cool. Si je le trouve, je vous le poste sur Facebook tantôt. Je comprends pas comment c'est qu'il est là, mais bon. Ça arrive. C'est l'Internet. Et c'est vraiment pas. Tu te rappelles du film Fight Club avec Brad Pitt? Oui, certain. Il jouait le personnage de Tyler Durden. Il y a quelqu'un qui s'était imaginé si on enlevait Brad Pitt de ce film-là. Donc, c'est Richard Trimmell qui a enlevé de façon numérique toutes les présentations, toutes les fois où Brad Pitt est là. Ouais. Durden n'est plus là. Donc, ça donne un look genre surréaliste un petit peu. Il dit qu'il fera pas le film au complet. Il voulait seulement faire la première scène et il dit que ce serait assez ennuyant de voir le film au complet comme ça. Oui, effectivement. Mais je trouve l'idée assez bonne et bien exécutée aussi parce que pour vrai, tu sais, quand t'as pas l'arrière-plan là, de tout reproduire ça par-dessus et que ça a l'air vrai, là, faut le faire, c'est réussi. Fight Club minus Tyler Durden est le nom du vidéo. Eh ben. Ensuite, des couples qui utilisent la réalité virtuelle pour changer de place. C'est une vidéo, évidemment, sur assemblagewiki.com qui provient de The Machine to Be Another. C'est le nom de la machine en tant que telle qui met des participants tout nus, OK, avec des casques de réalité virtuelle et tu vois à travers les yeux de l'autre personne. D'accord? OK. Donc, ça a l'air bizarre dit comme ça, aller voir la vidéo, mais tu regardes en dessous. Mettons, moi, je regarde en bas et je vois des seins parce que, Colin, tu vis à travers l'autre personne. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Allez voir ça, c'est juste un petit peu anodin, mais quand même le fun. Ensuite, t'as l'appareil Glyph par la compagnie Avegant, qui est une paire, si on veut, d'écouteurs, un peu comme les miens que j'ai sur les oreilles en ce moment. Et si je baissais le cerceau qui est sur le dessus de ma tête devant mes yeux. Oui. Donc, c'est comme des écouteurs à l'horizontale, si on veut. Et ça utilise des miroirs pour te permettre de voir et d'entendre dans les écouteurs. Okay? C'est en bêta en ce moment. Ça a des écouteurs et un écran à l'intérieur. Une résolution de 1280 par 720 pour chaque œil. 45 degrés à l'horizontale de champ de vision, où tu vois vraiment quand même assez large. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça a des capacités de tracking, si on veut, surveiller où est ta tête en temps réel. Donc, il y a un microphone, une entrée HDMI et une entrée audio aussi. La batterie dure jusqu'à 3 heures. C'est rechargé via micro USB. On peut l'acheter pour 500$ sur Kickstarter en ce moment. C'est évidemment à Kickstarter, on demande de l'argent jusqu'à temps qu'on se rende à un certain but pour ensuite commencer à le produire. Et si tu mets cet argent-là et que ça se rend, tu vas avoir ta propre copie de ce glyphe-là. Aussitôt que ça va être prêt. Je trouve l'idée vraiment cool. Donc, tu as du son, tu as de l'image, puis ça surveille ta tête où tu es en ce moment. Donc, tu peux regarder par à droite et ça va dans le jeu vidéo aller par à droite, mettons. Oui, c'est ça. Hey, c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Ils sont rendus à 800 000 $ sur 250 000. Donc, ils ont dépassé leur. Largement, but. Oui. J'espère que le produit va finir par être produit. On va voir. C'est à peu près ça pour le bloc WoW at Web. On va aller tout de suite en musique pour pouvoir passer après ça à la geekette en devenir. Notre but dans l'émission à chaque semaine. Donc je te le dis, c'est mon but pour moi de me rendre jusque-là. Donc, on s'en va entendre Brink. Ça, c'est le nom de l'artiste. La pièce s'appelle Appledude. Appledude, c'est vraiment très, très court. On revient juste après. C'est Mathieu Planchot. C'était Brink avec Apple Judd Intro. Très, très courte. C'est la raison que c'est court, c'est que c'est l'introduction d'un podcast, une balado diffusion suédoise. J'allais dire, oui, tu dis c'est court, mais je croyais pas que ce serait aussi court que ça. 33 secondes. Et t'as pas, what? C'est ce qu'on appelle survivre de bord pour la geekette en devenir. C'est la geekette en devenir qui, évidemment, ben, c'est Marie-Ève Picard aussi. C'est son nom, son AKA, Marie-Ève Picard. AKA. Mm-hmm. Et tu nous fais un petit peu passer du bon temps, regarder ce qui se passe sur Internet en essayant de devenir un jour assez geek pour pouvoir parler de choses un petit peu plus avancées que des princesses de Disney, mettons. Mais... qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imagine... C'est que t'aimes pas les princesses de Disney? Non, j'adore les princesses de Disney, voyons donc. Elles sont si séduisantes. Ah oui? Est-ce qu'il y en a dans ta chronique aujourd'hui? Mais oui. Oui. Okay. Écoute. Mais je sais pas, les trouverais-tu tout aussi séduisantes si elles étaient des dudes? Si c'était des princes? Ouais. Ou... Je sais pas, est-ce que c'est des princes très féminins? Non, en fait, aucune façon que je vais trouver ça. Non, la réponse est non. Ben, je dirais oui, prince efféminé un peu, oui. J'imagine, si tu en veux effet. Avoir l'aspect, l'apparence... Mais oui. Écoute, vas-y voir pendant que je parle, là. Surtout toi qui aimes tant ta belle Ariel. C'est ma préférée, ou au moins dans mon top 10. Oui, je sais pas comment tu vas la trouver en tant que prince. Prince Harry. J'y arrive. oui, OK. C'est bien fait, là, quand même, là. Ben, je me demande, en fait, s'ils ont changé tant de choses que ça, parce que clairement, ils ont mis des pectoraux à la place de la poitrine. Mais là, écoute, là, les cheveux courts, quand même. OK, oui, j'avoue. Ben, tu sais, il fallait pas qu'ils enlèvent tout, là. Faut que tu sois quand même capable de reconnaître que c'était la princesse avant. Là, à l'origine, en effet, ses cheveux sont pas... sont courts. Oui. Je trouve pas, ils sont pas tant doudisés que ça, là. Non. Hein? Pas tant que ça. C'est comme plus, comment dire? Ouais, non, il y a un mot pour ça. C'est quoi le mot, là, quand je le cherche? Là, quand... Métrosexuel, non? Androgyne. Et ça a été long. Ah, okay. C'est trop long pour moi. Silence radio. Ah oui, c'est vrai, hein, oui. Androgyne. Ouais, quand même. Elle a le chanteur que je cherchais même pas son nom parce que j'ai pas la tête à chercher des choses aujourd'hui. Non, c'est ça, laisse faire. On voit qu'est-ce que ça donne. C'est ça. Mais c'est ça, si tu continues, on voit que c'est. Ouais, ça a l'air de des filles, mais. On leur met une petite moustache de temps en temps, quand même, pour. C'est ça. Tu sais, c'est. Ouais, c'est bien fait, mais en même temps, ça, c'est. Ah, ça pourrait être bien fait, c'est très, très bien fait. Encore une fois, ces gens-là ont du talent à mort, là. Ouais. Ouais. C'est quand même bien. Et maintenant, toujours dans la suite d'idées, en fait, des princesses de Disney. La suite d'idées, Disney, bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais si elles étaient des gargoyles? Des gargouilles? Des gargouilles? Les petites statues qu'on voit souvent sur le bord des manoirs, là, en train de surveiller la porte, les gargouilles. Les gargouilles. Les monstres. Ben, dans ce cas-ci, je trouve ça plus cute que transformer en gars. Ouais. Je vais prendre ça. C'est quand même pas pire, hein? Ouais. Ouais. Moi, écoute, je regarde ça puis je me disais, quand même. Encore Ariel. Donc, on leur colore la peau des fois bleue, des fois verte. On leur donne des ailes. Ça fait penser un peu. Des gargouilles, là. Voyons, des gargouilles, excusez-moi. Mais ça me fait penser un peu aussi au film, là. Là, c'est mon tour à chercher. On n'est pas très bon aujourd'hui pour chercher les choses. C'est mon tour à chercher. En tout cas, si ça me revient. On fera une autre émission la semaine prochaine, puis on vous dira toutes les affaires qu'on n'avait pas cette semaine. Pourquoi pas? Mon Dieu, ça fait dur, aucun sens. Mais quand même, sur assemblagerequis.com, vous allez pouvoir voir les princesses en gargouilles très colorées avec multiples bras. Voilà. Exact. Super. Et finalement, pour finir avec les princesses de Disney, là, parce que jamais 203, hein, comme ils disent. Exact. Oui. Et les princesses de Disney dessinées un peu façon dirty. Mettons, dirty, sexy, maman. Oui, même un petit peu tout nu. Oui, genre aucun vêtement. Ça s'appelle tout nu. Oui. Alors, on voit les seins et les fesses de toutes vos princesses préférées. Rien n'est épargné. L'imagination ici, pas besoin d'en avoir. Mais c'est fait un peu de façon, dirty, là, mais son trash un peu. Oui, si grunge. Grunge, si exact. Ils ont tout le mascara qui coule. Ça fait graffiti. Oui. Mais j'aime bien le style, pour vrai, je trouve ça très beau. Oui, c'est très beau. En effet. Hey, Colin, moi qui m'imaginais Ariel, je l'imaginais exactement comme ça. Ah ben oui! Ouais! Hey, mais c'est assez pour Disney. Les liens sur assemblagerequis.com pour ça, sérieusement, celui-là, le premier ça vaut la peine, les gars, c'est ça. J'ai pensé à vous. Allez-y. Allez-vous rincer l'œil? Donc, on a. Ben, en fait, j'ai peut-être menti un petit peu, là. C'est pas des princesses, là, mais c'est encore un petit peu Disney. Enfin, on enlève la princesse pour la remplacer par. Grumpy Cat! Grumpy Cat! Notre chat malheureux, celui qui a essayé d'avoir du plaisir et qui a pas aimé ça. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est vraiment drôle. C'est l'artiste Eric Proctor qui a refait des images des films de Disney, mais il a remplacé les princesses avec. Le chat. Notre beau chat Grumpy. Oui. Il a pas l'air content d'être là. Non, vraiment. Il a, comme à son habitude, toujours le visage par en bas, pas content. La même expression, ça ne change pas. Qu'il soit avec Aladdin ou avec la Belle la Bête, genre. C'est ça. Mais c'est quand même assez drôle, là. Il y a beaucoup d'images, là, un petit peu pour tout le monde. Et voilà, c'est très drôle. Le roi lion. Ah, il remplace le futur roi Simba, lion. Oui. Simba. Simba. Oh wow, j'aime ça, c'est cute. Ben oui, c'est cute. Mm-hmm. Allez voir, c'est drôle. Tout à fait. Après les princesses de Disney, puis après ça, vous regardez ça. Exact. Et finalement, pour finir, on va y aller avec des... des sprinkles, comment on appelle ouais, ça? Des garnitures à gâteau. J'ai aucune idée comment on appelle ça, des sprinkles. Ouais, garnitures à gâteau, ouais. On je vais demander à ma copine, attends un peu, c'est quoi? Oui, des garnitures à gâteau, voilà. Mathieu. OK. Tu sais, on aime tous ça, manger du gâteau avec plein de petits bonbons, là, puis des petites affaires dessus, là, puis c'est full sucre, là. Ah, délicieux. Ah, oui, c'est bon. Mais ce qui est encore plus fun, c'est que ils en ont sorti un peu à l'allure de Harry Potter et Doctor Who. OK. Alors, on voit, là, c'est dur à expliquer, là, mais comme, mettons, la petite éclair, des écrous, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça fait différent. Oh, wow! Ah, ben oui! Je vois, mettons, quelqu'un, tu demandes à quelqu'un de te reproduire quelque chose de cette émission-là. Mettons, je sais pas, le château d'Hogwarts, peut-être que c'est tu ça. Vas un petit peu loin. Oui, un peu, oui. Et les sprinkles seraient des éclairs d'Harry Potter. Ça irait très bien ensemble. Et il y a une petite vidéo de Geeky Sprinkles où on vous montre différents exemples de gâteaux. Exact. C'est cool. Oui. J'aime ça. Oui, moi aussi. Quelle belle trouvaille encore. La fête s'en vient, ça. On sait jamais. Oui, c'est ça. Exact. Ben pour la geekette en devenir, on te retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Bien sûr. Merci, Marielle. Ça me fait plaisir. Avant de continuer, on va faire une très, très rapide dernière chronique dans quelques instants. Pour l'instant, voici Sparky Rogers, Just Me. Juste après ça, on revient. Dernière chronique de l'émission. C'est un fait Tech Edition. Sparky Rogers, la pièce Just Me au Mathieu Plante Show et on continue tout de suite avec C'est le fait Tech Edition. Ben rapide. J'ai J'avais envie de faire cette fête avec Edition très rapidement parce qu'on a sauté la semaine passée et un petit peu de temps à rattraper. Donc, on va y aller avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Commençons par le 15 janvier. En 2001, c'était le lancement de Wikipédia. Ah! Aussi simple que ça. Mm-hmm. En 2013, Facebook lançait le Graph Search, le nouvel engin de recherche où tu pouvais taper genre telle personne qui était amie avec telle personne qui étudiait à telle place. Ce que bien des gens n'ont pas encore sur leur Facebook. Ben oui, effectivement. Ça n'a aucun sens. On passe au 16 janvier en 2007. Blizzard sort la première expansion de World of Warcraft. Ça s'appelait The Burning Crusade. En 1871, le 17 janvier, nouveau brevet pour un système de cordes sans fin qui allait mettre sur place, finalement, les cable cars. Tu te rappelles les voitures qu'on voit tout le temps à San Francisco, entre autres, dans plusieurs émissions, là, les cable cars à San Francisco, en Californie. 18 janvier 2012, plusieurs sites web comme Reddit, Wikipédia et d'autres font ce qu'on appelle le Internet Blackout pour faire une manifestation contre SOPA et PIPA, à l'époque, la grosse affaire controversée d'Internet. 19 janvier 1883, le premier système de lumière électrique en utilisant des fils, comme on les voit encore aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Ça a commencé à Roselle, au New Jersey. En 1983, Apple sortait le Lisa, le deuxième ordinateur commercial avec interface utilisateur graphique. Donc, c'était le deuxième derrière le Xerox Star. Ça coûtait 10 000 $ comme ordinateur. En 1986, Brain devient le premier virus d'ordinateur à être sorti, finalement, transmis par disquette. C'était les Farrakh Alvi Brothers de Lahore, au Pakistan, qui ont créé ce virus-là. C'était des frères, donc les frères Farrakh Alvi. 20 janvier 1981, l'inauguration du président américain Ronald Reagan était la première diffusion à mettre des sous-titres en direct pour ceux qui avaient des problèmes d'ouïe. Ah. Donc, on pouvait enfin lire ce que les gens disaient. En 2009, c'était l'inauguration de Barack Obama, président américain, évidemment. C'est devenu l'inauguration présidentielle la plus streamée ou diffusée en continu de tous les temps, selon Akamai Net Usage Index. 21 janvier, en 1957, NBC enregistre et diffuse le président Dwight D. Eisenhower à sa deuxième inauguration. Donc, ça a popularisé l'utilisation de l'enregistrement de vidéos. 22 janvier 1984, Apple diffuse pour la première fois sa nouvelle publicité 1984. C'était le nom de la publicité, une publicité culte. C'est l'affaire avec le gros marteau qui est envoyé dans un grand écran. C'est devenu très, très culte. C'était réalisé par Ridley Scott. On saute au 24 janvier. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de ça? Je vais y aller avec tout ce qui est le plus important. En 1984, le Macintosh original, le premier, est sorti. C'était le premier ordinateur à succès à avoir une souris et une interface utilisateur, donc avec des dessins à la place d'être une ligne de commande. Oh, mais bravo! Le 25 janvier 1979, Robert Williams est tué au travail à Flat Rock, dans le Michigan, dans une usine. C'était la première personne à être décédée à cause d'un robot, littéralement. Hein? C'est un robot, tu sais, les robots, qu'est-ce les machines. Qui... C'est surveillé contre lui, puis... non, c'est ça, non. J'ai pas les détails de l'accident, comment il s'est passé, mais sûrement qu'il s'est fait... Peut-être, je sais pas s'il s'est fait décapiter, mais en tout cas, il s'est fait tuer par le robot. Oh my god! C'est comme ça. Ça arrive. Le 26, ça je sais arrive. Pas. Ça arrive. Ben ça, oui. Faut faire attention quand même, la sécurité au travail. En 1983, le 26 janvier, Lotus commence à vendre son application de spreadsheet, donc de feuille de calcul pour Microsoft DOS. Ça s'appelait 1-2-3. Rapidement, c'est devenu le spreadsheet le plus populaire. Et ensuite, c'est ça. Ça a fini par reculer et Excel a pris la première position à un moment donné. On termine là-dessus. Je pense que c'est assez pour ce qui s'est passé dans l'histoire. On a rattrapé le temps perdu la semaine passée. Oh! Et on termine le Mathieu Plante Show comme ça. C'est très récent. Finir sur une note historique. Oui. Quand même. Mais bon, que voulez-vous? On va se retrouver mercredi prochain en direct à 16h. On repasse les samedis à 15h. Consultez la programmation sur cifou.ca et retrouvez les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Merci Maria Picard. Hey, merci Mathieu Plante. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye-bye.